Chapitre 3e. Misérable, cria Nestor, que vous a fait cette jeune fille? Que prétendez-vous de moi? Ma foi, seigneur, reprit Roncari en se secouant, j'ai payé assez cher ma plaisanterie, puisque j'ai pris un bain tempestif, pour que votre excellence m'épargne des reproches. Ce que nous a fait Luciola, elle nous a tous rendus amoureux, et je n'ai pu souffrir un rival auprès d'elle. Maintenant, ce que nous voulons de vous, c'est de la gaieté pour ajouter à la nôtre, c'est de la complaisance pour nous aider à vider nos verres. Vous m'avez paru un joyeux compagnon, et comme nous faisons une galante partie, j'ai pensé que vous seriez mieux avec nous qu'avec la triste patricienne. Nos chants vont recommencer, et si vous voulez la Gattinara, ma maîtresse, je suis prêt à vous la céder. Nestor, tout entier à sa jeune et chaste passion, et parfumé pour ainsi dire de cet amour qui était monté dans son cœur, ne répondit que par un geste de dédain. « Ah ! Reprit Roncari, ne la trouveriez-vous pas assez belle ?» Il saisit une torche et inonda de lumière la Gattinara, qui souriait. « Regardez, seigneur, continua-t-il, si jamais plus bel enfant a éclairé une fête de sa beauté, toute sa taille tiendrait dans la bague que les doges jetaient à la mer. Quand elle ouvre ses yeux bleus, on voit le ciel. Quand elle ouvre ses bras, on voudrait y mourir. Et si elle entre dans un musée, la Fornarina de Raphaël pâlit, et la Madeleine du Titien se trouve mal. Regardez-la donc, seigneur, pour que nous ne pensions pas que les Français sont des barbares. » Nestor ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil, et l'ayant jeté, de convenir tout bas que la courtisane était d'une beauté idéale. Mais il songeait toujours avec un religieux enthousiasme à la pauvre Luciola, qui avait pris son âme. « Parbleu, seigneur, continua Roncari, serais-je le seul à être sans rancune? Vous avez failli me noyer. Dès que vous avez paru, vous m'avez pris ma maîtresse, car j'ai bien vu à un mouvement de ses lèvres qu'elle est à vous, et si je vous l'ai donnée, c'est qu'elle m'échappait. Voyons, de bonne foi, pouvez-vous être sérieusement amoureux de Luciola? Je vous ai aperçu à votre débarquement. Vous êtes arrivé à Venise avant-hier. Vous avez rôdé comme un homme qui s'ennuyait pendant 2 jours, et la Dogaresse ne peut pas avoir fait des ravages bien importants dans votre cœur. Vous êtes venu dans notre ville pour vous amuser et être heureux. Vous ne trouverez nulle part plus de gaieté, plus de jeunesse, plus d'hospitalité et plus d'amour que parmi nous. Allons, laissez-vous faire. Demain, nous vous rendrons votre liberté et votre Luciola, si vous la voulez. Je suis Roncari, le gondolier. J'ai gagné 100 pistoles aux régates. J'en dépense 25 cette nuit. Profitez-en. Beppo, remplis les verres. Et toi, Gattinara, une chanson. » La jeune fille prit une guitare qui était couchée à ses pieds et elle chanta ses vers. Quand Venise était Venise, la perle des flots amers, ses pavillons sous la brise pavoisaient toutes les mers. Et maintenant, ses pilotes, n'ont pas de barbe au menton, maintenant, pauvres ilotes, chantons. Quand Venise était Venise, ses barques en carnaval, cercles d'or qui s'éternisent, tournaient dans le grand canal. Aujourd'hui, l'on voit à peine, sur le quai des esclavons, passer une barque pleine, buvons. Quand Venise était Venise, le doge, plus grand qu'un roi, épousait la mère soumise, gardant sa bague et sa foi. Elle donnait pour pâture l'univers à ses lions. Hélas, la fin les torture, rions. Quand Venise était Venise, les ducs et leurs successeurs, du Danube à la Tamise, venaient demander nos sœurs. La misère aux cris profanes, ange devenu démon, en a fait des courtisanes. Aimons. Quand Venise était Venise, au roi ses ambassadeurs imposaient, le cœur se brise, à raconter ses splendeurs. Venise a vu, deuil et honte, tomber ses derniers fleurons. Saint-Marc penche et la mer monte. Pleurons. Tu as trouvé là une étrange chanson, reprit Roncari. Heureusement, les canaux sont déserts et les sbires ne t'ont point entendu. Sans cela, nous aurions achevé la nuit sous les plombs. Quant à moi, je supporte patiemment le joug de l'étranger qui me laisse mener une joyeuse vie. Il faut être trop sérieux quand on est homme libre. Qu'importe l'esclavage pour qui a de l'or, qui est la meilleure de toutes les libertés. Roncari raillait-il. Nestor ne sut pas le deviner, mais il s'étonna de l'attitude indépendante et hardie de ce jeune homme qui proclamait sa soumission d'une voix si fière. « Vous boudez toujours, » lui dit Roncari. « Ma foi, » lui dit Nestor, « je vous avouerai que je suis peu en disposition de rire. Vous m'avez fait votre prisonnier, je ne sais pourquoi. Le plaisir ne s'impose pas, et je ne puis point trop reconnaissant que vous m'ayez forcé à partager votre fête. Vous me semblez d'alerte, compagnon. Je ne discute pas votre gaieté, et un autre jour je la partagerai, quand je vous connaîtrai davantage. Cette nuit, ne me contraignez pas à être des vôtres, et débarquez-moi quelque part. Et pour vous prouver que je n'ai point de ressentiment contre votre plaisanterie, j'accepte une partie de ce que vous m'offrez, et je bois à votre bonne humeur et à votre hospitalité. Je suis fâché de ne pouvoir vous obéir, Seigneur, mais nous avons résolu de punir cette nuit le dompteur de la Luciola, et pour le punir, nous lui offrons un souper chez nous, et un tête-à-tête avec la Gattinara. Roncari, interrompit la jeune femme, voilà la seconde fois que vous avez le tort de disposer de moi sans me consulter. Le seigneur français ne veut pas m'adresser ses hommages. Reste à savoir si je serai d'humeur à les accepter. Eh bien, dit Roncari, nous nous sommes trompés sur le compagnon que nous nous sommes donné. Il est capable de soupirer sous les lagunes auprès d'une jeune folle qui raconte des histoires de l'autre monde. Mais il ne trouve pas un mot à dire à la plus jolie femme de Venise. Pardon, seigneur, auriez-vous par hasard pris vos grades en théologie? Et notre société effarouche-t-elle la candeur de vos habitudes? Le facile jeune homme se sentit piqué au vif. C'était un défi qu'on lui jetait, et il était assez faible pour les accepter tous. Puis il craignait le ridicule, et il jugeait que sa position y prêtait. Puis il se disait qu'après tout, cette nuit étrange pouvait bien finir par une originale extravagance. Puis la Gattinara était belle. Puis les habitudes de toute sa vie le ramenaient à l'inconstance, et sa guérison n'était pas complète. Puis enfin il avait bu d'un vin qui lui était monté à la tête. « Au diable, les tristes préoccupations » s'écria-t-il. « J'accepte tout ce que vous m'offrez. J'accepte Gattinara, qui sera moins cruelle qu'elle ne l'a dit tout à l'heure. J'accepte votre souper, et je vous le rendrai demain soir. » Ramez donc du côté de votre osteria. » Les gondoliers, déjà engourdis par l'orgie et tendus sur les tapis de la barque, ne demandaient pas mieux que de ne rien boire. Roncari prit la rame et tourna le dos. Nestor se rapprocha de la Gattinara. « Monseigneur, dit-elle en se retirant, Roncari a le droit d'être là de mon amour, mais il ne dépend pas de lui de me donner au premier venu. Au premier venu? Est-ce que je n'ai pas l'air d'un gentilhomme? Est-ce que je ne vaux pas tout cela? Je ne serai jamais celui qui m'a dédaigné d'abord. Jamais? C'est un mot que nous avons supprimé en France. Combien faut-il pour que votre bouche ne le dise plus? Je vous préviens que je suis généreux. » Les yeux de la Gattinara brillèrent dans l'ombre. « Seigneur, c'est un mauvais moyen pour arriver à moi que de m'insulter, si je pouvais croire sincèrement que vous me trouvez belle. Cette bague, vous le dirait-elle ? » Et Nestor ôta de son doigt un magnifique brillant que la Gattinara avait remarqué sans doute. « Vous me la donnez ? » dit-elle. « Oui, à condition que je la mettrai moi-même à votre main. » Gattinara s'approcha d'une des torches de la gondole, s'assura de la valeur de la bague et d'un geste dédaigneux, la jeta dans le canal. « Parbleu ! » s'écria Nestor profondément étonné. Vous faites comme Pisistrate, vous jetez une partie de votre bonheur. Il m'en reste assez, dit-elle, car à présent je suis convaincu. Je vous ai prouvé que je garde le ressentiment d'un outrage. Vous m'avez prouvé, vous, que vous savez le réparer. Nous sommes quittes. La courtisane avait atteint son but. Nestor se trouvait engagé vis-à-vis d'elle de plus de 200 pistoles. Elle l'avait amené, par ses premiers refus, à oublier tout ce qui pouvait l'éloigner d'elle. Nestor était à ses pieds, dans une attitude plus nonchalante qu'amoureuse. La gondole, doucement conduite, berçait son ivresse imprudente. Les fleurs posées sur la tête de la Gattinara lui envoyaient un parfum perfide. Les torches jetaient de fauves reflets sur les eaux dormantes et sur les palais effleurés au vol de la barque. La voix sonore de Roncari roulait dans une nouvelle chanson. L'image de Luciola n'apparaissait plus à Nestor que dans un vague lointain. Ils arrivèrent à l'île de Torcello où l'on devait souper.